rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial MZ. C'est vendredi pour certains d'entre vous, c'est aussi les vacances pour la région parisienne, pour nos amis bordelais. Bonnes vacances à vous tous et bienvenue dans Planète Rap avec la MZ. Ouais, ouais. Ça va, pas de vacances pour la MZ? Non, jamais. On bosse toujours. Ça t'a venu, et d'ailleurs ce soir, il y a non seulement l'émission, et il y a le clip qui arrive aussi, nouveau clip de la MZ. Walter White. Juste après l'émission. Juste après l'émission sur YouTube. Allez vous connecter directement. Ouais. Comment ça va ce soir? Pour cette dernière, bien? Bien, plutôt tranquillou. Tout le monde est en pleine forme? Ouais, ça va. C'est triste un peu. Ouais, je sais. L'armée chatte à l'œil, mais vous allez revenir. Ouais. Ça se voit que t'es triste. On va revenir. T'as vu comme je suis malheureux? Ça se voit. Moi je m'habitue, attends, on est vendredi, on a passé une bonne semaine. Des mercredis tous les jours avec toi. De quoi? Des mercredis tous les jours. Mais hier on est venu avec les sages poètes de la rue. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui on t'a ramené des invités. Soufiane 3000 et Jérémy Châtelain. Soufiane 3000 qu'on connaît, un grand beatmaker français qui a bossé avec SF Mob ou ASAP Rocky. Et Jérémy Châtelain, qu'on connaît aussi, grand chanteur français, compositeur. Et qui a bossé avec vous? Les deux ont bossé avec nous sur le morceau Bonbon, qui est dans MZ Music Volume 3, qui est sorti depuis le 10 mars, qui est toujours dans les bacs à la FNAC, donc n'hésitez pas à aller le chercher. Et voilà. Et bah, tu veux qu'on les présente? Ils vont se présenter. Ouais. Ah bah voilà. Salut, ah bah ils sont juste là. Comment ça va? Salut Skyrock, salut Fred the Sky, salut tout le monde. Ça va, en pleine forme? Super. C'est génial ici, il y a la clim, on est bien. Ouais, vous êtes bien. Toi, c'est la première fois que tu viens? Ah, c'est la première fois que je viens, c'est un peu du tourisme, j'adore ça. Pour toi? Pareil aussi, première fois? Bon bah bienvenue messieurs, vous les connaissez depuis combien de temps la MZ? 2-3 dossiers à sortir, allez-y. Alors moi je les connais depuis longtemps. Ça tombe bien. Je les connais depuis longtemps parce que la maman de Big Daddy Joke était mon infirmière en 2004, quand j'étais pendant un séjour à l'hôpital. Elle me dit: Mon fils fait du rap, appelle-le. Et là elle me passe le téléphone. Parce que toi c'est vrai que bon, on t'a connu à l'époque de la Starac. Exactement. Dans le château, mais après t'as composé. T'as beaucoup bossé d'ailleurs. Ouais, j'ai pas mal bossé, j'ai bossé pour Oxmo sur la Oxmo, ouais. On a fait un bel album, puis plein d'autres gens, voilà. Et donc c'est alors fini, ouais, cette petite page, j'ai coupé en même temps. La petite histoire, la petite anecdote. Sa mère me passe le téléphone comme ça, je suis dans mon lit, pas bougé. Et là, j'ai Joke au téléphone qui me dit ouais, t'as qu'on fait du rap, c'était tout jeune, ça avait 10 ans de moins. Ouais. 10 ans de moins. Et puis, 9 ans après, Maxime Parnat, le DA de chez Sony, notre pote, nous appelle, nous dit ouais, il y a un super groupe de rap. Blablabla, ils sont super forts, ils s'appellent la MZ. Et toi, tu l'avais pas revu, t'avais pas de nouvelles depuis? Non, et puis ça me disait quelque chose, mais sans vraiment me dire quelque chose. Ils viennent au studio à la maison, on est avec Souf, on fait beaucoup de sons avec Soufiane ensemble. Et là, il y a Joker qui me dit: t'étais pas à l'hôpital 13ème? Le 12 avril 2004. Ça m'est revenu 2007. Direct. Donc, bonne ambiance, bonne vibe, on a fait un super titre, ça s'appelle Bonbon. Et bon, on va le passer ce soir, j'espère, Bonbon. Ouais. Bon bah bienvenue à vous deux en tout cas, et puis bienvenue à tout le monde. Le Planète Rap qui débute comme d'hab avec Lune de Fiel. Avec ce fameux Lune de Fiel. Fumé, tisé, baisé. Et bah allons-y, en route pour le week-end. C'est parti. @MZ Group sur Twitter, MZ officiel sur Facebook. Wesh la team MZ. De la zep, de la tease dans la brochure. Des bad bitches très alléchantes. Mes gars va se rendre désagréable. Et tu prends ta soirée, tu commences à jouer à la meuf chiante. Écoute ma belle, on est toujours direct dans nos propos. Chic, tu kiffes pas la mytho. Finis plus mes putains de bédo. Avant que je te mette ta part, enlève-moi tout le neuf j'ai dans le dos. Tu sais, je suis pas là pour jacquer. Je veux juste te fumer. Ton crâne, une taille de jacquer. Dans mon délire, je suis foncé. Le voisinage t'entendra crier toute la soirée. Par contre, tu casses tout le merde quand tu veux faire du sérieux. Baby, je t'attends. Non, suis le son de ma voix, rentre dans la chambre. Non, on fera rien de bien méchant. On va juste fumer, teaser, baiser. Fumer, teaser, baiser. Qu'est-ce que t'attends? Non, je parie les corps sort. Rodrigo dans la Amis d'officiels sur Facebook, avec des groupes sur Twitter, des groupes sur Instagram. On est là. Rentre dans la chambre, on va fumer, teaser, baiser. On va juste fumer, teaser, baiser. Non, d'abord tu vas me branler. Et n'oublie même pas de me sucer. Ouais, t'inquiète, tu vas kiffer. Ok. Viens avec des copines. serai avec Joe et Pim. Sera du Sprite, de la codéine. On sera le meilleur coup de votre vie sans doute. Bébé, vous serez plus en chaleur qu'en Marlo. Pour le sexe, t'as confiance en nous. Donc vous viendrez comme des chiennes en loup. On sera soupillable. Je sais que t'aimes sa coquine. Une soirée inoubliable que tu raconteras à ta fille. Bébé, je t'attends. Wesh le White Dream, wesh Roche. Suis et dédicace à maman d'Abois d'Arcy. Non, on fera rien de bien méchant. On va juste fumer, teaser, baiser. Fumer, teaser, baiser. Fumer, teaser, baiser. Fumer, teaser, baiser. Qu'est-ce que t'attends? Pour tous ceux qui veulent fumer, teaser et baiser, mais surtout teaser, ça se passe à TPLS, métro, opéra, avenue du 4 septembre. Avenue du 4 septembre. Fumer, teaser, baiser. Rue. Fumer, teaser, baiser. Rentre dans la chambre, on va fumer, teaser, baiser. Je veux juste chicher, teaser, prendre du plaisir. J'emmerde ma conscience, ma santé, je sais que tu me désires. Je veux que tu sois ma salope, poli et ta bouche, la meilleure conseillère de mon zizi. Je suis fou, mais tu t'en fous, je suis pas ton mec, ni ton ex, ni ton futur, juste ton meilleur coup. Je te monte dans l'air sans jamais que t'atterris. Je veux la baiser sans le besoin de dire bébé. Et elle veut me baiser jusqu'à ce que je crie, mais il est présent dans tes zones érogènes où j'en sais runo. Sûrement avec un plus gros dos, je m'en bats les couilles, c'est pas de ma peau. Bébé, je lui fonce des. Rejoins-moi, accroche-toi car le 7ème ciel n'est pas loin. Wesh des styles, wesh Kalash. Fais ton bobby, fume monter son baison toute la nuit. Vis cette nuit comme la dernière de ta vie. Mouille les draps du lit, crie, réveille toute la ville. Je sens ton cœur qui bat vite, tes paupières palpitent. T'es tombé accro à Mars, je suis ton héroïne. Ce soir, rien ne sert de trop parler. Consomme-moi jusqu'à l'overdose. Tout ce qui se passe dans cette piole reste dans cette piole. Le vrai négro fait vraie chose. Bébé, je t'attends. Non, suis le son de ma voix, rentre dans la chambre. Non, on fera rien de bien méchant. On va juste fumer, teaser, baiser. Fumer, teaser, baiser. Fumer, teaser, baiser. Fumer, teaser, baiser. Fumer, teaser, baiser. Fumer, teaser, baiser. Fumer, teaser, baiser. Qu'est-ce que t'attends? Non, suis le son de ma voix, rentre dans la chambre. Non, on fera rien de bien méchant. On va juste fumer, teaser, baiser. Fumer, teaser, baiser. Fumer, teaser, baiser. Fumer, teaser, baiser. Fumer, teaser, baiser. Rentre dans la chambre, on va fumer, teaser, baiser. Suis le son de ma voix dans la chambre. On fera rien bien méchant. Ah, sur Facebook, MZ officiel, Twitter, MZ group, Instagram, MZ group. Moi je m'attire MZ, cool ou quoi? Qu'est-ce que t'attends? Suis le son de ma voix dans la chambre. On fera rien bien méchant. Dédicace à Black King, Wesh Jay, hi hi. C'est le Planète Rap avec la MZ, la dernière ce soir entre 20h et 21h avant de retrouver la MZ. C'est ce que je veux vous souhaiter aussi un peu partout dans toute la France. Il y a des concerts de prévus pour vous, messieurs? Ça commence à se mettre en place? Ouais, c'est en négociation, mais qu'est-ce que je voulais dire? Il y en a un de sûr déjà qui va se dérouler le 10 mai si je suis pas fou. Au nouveau casino, on va faire la première partie de. Danny Dan qui était là hier et Olkari, big up à eux. Pour l'instant, il n'y a que ça qui est donc sûr. Donc le 10 mai, nouveau et casino à Paris. Voilà, c'est en train de négocier des autres dates encore. Vous serez au courant. Davidson nous a rejoint. Ouais. Oui, en fait, c'est pour dire que en fait, juste après l'émission, il y aura un lien sur Facebook. Des t-shirts et pulls fumitisés baisés à gagner. Donc je rejoins tous les auditeurs à rejoindre la page Facebook. Et tout se passera sur le Facebook Arista. Juste, c'était pas prévu, mais je tenais à féliciter la MZ. Parce que, comme disait Jérémy Châtelain, ça fait super longtemps. Nous, en fait, il y a une phase, moi, que je retiens de toute cette semaine, c'est le freestyle de Demo où il dit on a grandi sans papa. La MZ, en fait, décès ou divorce, on grandit sans papa. Mmh. Et de ce fait-là, en fait, c'est des. Tu vois, ils ont fait des trucs dans, par le passé, deal, vol, etc. Ils sont vraiment concentrés sur la musique. Et quand Jérémy Jartin a pris le micro tout à l'heure en disant que voilà, ça faisait longtemps qu'il rappait, tu vois, c'est touchant en fait de savoir qu'aujourd'hui en fait ils sont sur Skyrock, qu'ils n'ont pas lâché l'affaire. Et je tenais à les remercier parce que je suis vraiment dur avec eux. Et pour ça, en fait, c'était vraiment, vraiment des bosseurs. Et content, en fait, d'avoir KDBZ qui nous ont fait confiance et Arista aussi qui nous ont fait confiance. Donc voilà, félicitations, les gars. Bravo. Davidson, j'ai envie de pleurer. PDD, j'ai envie de pleurer. On va lui offrir une tondeuse. La larmichette, bravo en tout cas pour ce message. Et puis bravo à toi aussi, voilà, d'avoir cru en eux dès le début. Dès le début, tu étais là. Ouais, bah, comme je dis, en fait, à la base, c'est un truc familial. C'est-à-dire que la mère de Joker, la mère de Demo, la mère de HP, c'est mes mamans aussi. D'ailleurs, si elles écoutent, je leur fais un bisou. Et voilà, j'espère aussi que ça va être une longue histoire. C'est que le début. Et j'espère que le meilleur pour nous. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent. Et continuez comme ça, vous êtes les meilleurs. Team MZ. C'est ce que je disais, ouais. C'est que le début de cette aventure. Et surtout pour cette dernière où on fait le point. Sur l'avenir du groupe, sur ce qui va se passer pour vous, c'est évidemment, donc je pense, voilà, de monter une tournée. Là, il y a une date, on a dit le 10 mai. Mais c'est d'aller défendre aussi tous les projets MZ sur scène. Ouais. On attend que ça. On attaque ça, partout dans la France. Voilà. Et ben, dès qu'il y aura des dates, ce sera sur notre Facebook, MZ officiel, notre Twitter, MZ Group, Instagram, MZ Group. Dis donc, j'ai oublié un truc, on a oublié de faire le récap d'hier soir, ce qui s'est passé dans l'émission. Petit récap, très rapide, petit zapping d'hier soir, ça donne ça. Marlo, Bino, c'est des houleux. Sage-po, Jesse Jess, Skyrock, on va cramer ces houleux. Calépezi, Davidson, Kinox, c'est bâtard de houleux. Textuel, gestuel, sexuel, les bœufs tout ou le placard. Trop de terre en couple, changé comme des 4-4. Allez péter mon scud, faites pas les crevards. Mais ouais, moi aussi, je veux mon 4-4. Un nouveau délire, ton pis si tu captes pas. On te cache que ça, t'as rapport sur ta tarte pas. Deux, trois petites coups de carte, on voit. Et on verra bien si ta meuf n'écarte pas. Vrai négro dans l'attitude. On change pas, on garde les mêmes habitudes. T, P, T, F, tel père, tel fils. T, P, T, Dev, N, C, I, X. Moi, c'est Mozo et Z. Matisse, M, K, C, D, Chet, M, F, C. La bite, X, baisse. La bite, c'est pour tirer ou prendre des billets. Et voilà, hier soir avec la rencontre avec la MZ et les sages poètes de la rue en live, je parle parce que c'est un moment que maintenant que vous bossez ensemble. Ouais. Avec le label KDBZIC. Un grand big up à eux d'ailleurs. Bon, on va dire un petit mot aussi alors sur les producteurs, puisqu'on en a ce soir sur un des morceaux, on va passer Bonbon dans quelques minutes. Ah oui. Vous voulez qu'on le mette d'ailleurs dans maintenant ou un peu plus tard? Tout de suite. Bonbon. Ouais, parce qu'ils savent que c'est bon. Mais un petit mot donc sur les producteurs, parce que moi j'ai cru comprendre qu'il y avait qu'un seul producteur qui est Equinox. Ouais. Grosso modo autour de la MZ qui bosse beaucoup avec vous. Ouais. Mais vous avez envie. On a une base. Vous avez une base, mais il y a aussi, voilà, rien n'est fermé quoi. Il est là, et il va se présenter avec la MZ. Ah bah il est là. Déjà, bonsoir à tous. Ça va? Ah, la MZ, hein, c'est la famille. Fred, bonsoir. Vas-y, moi c'est Equinox. On est là, la MZ, on fait les instrus. Comme t'as pu entendre dans 80%. Toi, t'as commencé avec eux ou tu bosses aussi pour d'autres personnes? Tu fais d'autres choses? Je bosse qu'avec eux, voilà. C'est une famille, c'est KDBZIC. Davidson présente une famille et voilà quoi. D'accord. Ça fait des années que ça dure maintenant, ça fait combien de temps? Attention le casque, attention le casque. Jours. Juste le casque parce que ça, voilà. T'es ouf, depuis 2009. Depuis 2009. Depuis 2009, ça bosse. On a commencé depuis le volume. Ils sont comment en studio d'ailleurs Equinox ou Jérémy, si vous voulez réagir, allez-y les gars. Déjà Equinox, il est hyper talentueux, on l'appelle Equinox le talentueux. Les Bréants. À suivre. Non, studio. À suivre. Ça bosse bien, ça bosse bien. Maintenant, après au niveau des instrus, moi je les fais de mon côté. Après je les balance. Après ils font le travail en studio, ils ont juste à poser. Ils font le travail entre eux et voilà, quoi, ça donne le résultat du volume 1, 2 et 3. Et nous par contre on s'est mis un petit challenge en fait. On a fait le son le jour où on les a rencontrés en fait. Ah. Une demi-heure après. Ah oui carrément. Ah ouais. Ouais. Donc, le morceau bonbon qu'on va balancer là. Ouais voilà. Ouais. On les a rencontrés. Et c'était quoi alors le mot d'ordre? Vous les... Attends, ça c'est intéressant, c'est trop bien. Ils viennent à la maison, ils viennent au studio. Et genre, on écoute plein de morceaux, on essaye de voir les points forts de chacun. Je dis à Demo, ça rappe dur, je dis aux deux autres, ça chante bien, faut vraiment que ça chante. Et donc je leur dis, est-ce que vous connaissez les sucettes à l'ami de Serge Gainsbourg? C'est une chanson qu'a fait Serge Gainsbourg pour France Gall. Par France Gall, ouais. Et je dis voilà. Par France Gall, ouais. Exactement. Et je dis, faut essayer de trouver un truc qui fasse un peu un message comme ça. C'est universel, qui soit en même temps pas trop mal poli, ça on a loupé. Non, toujours poli. Voilà, un truc comme ça, un petit peu candy quoi. Mais alors, vous ça. Connaissiez les sucettes à l'ani ou pas? On l'a écouté. Le nom, non. Ouais. Mais en écoutant, ouais, c'est. Et on c'est dans la mémoire un peu auditive de plein de personnes. Ça rentre dans. On l'a écouté. En fait, il nous l'a fait écouter. On connaissait pas. Il nous l'a fait écouter. Pas que ça. Un Joker. Les deux, ils sont venus à la maison plusieurs fois. On a écouté Christophe. On a écouté plein de trucs de chansons françaises de qualité. Et ils ont kiffé. Rappel HP, ils disaient comme ça. Mais ça, je kiffe ça. Oh, jeune masse. Oh, je kiffe, jeune masse. Non, ça, non. Après, on a fait le beat en 15 minutes. Ouais. Ils sont venus. Excuse-moi. On a fait. On a checké les flows. On a checké les mélodies surtout. Et ça donnait bonbon. C'était mortel. Est-ce que vous avez écouté du Jérémy Châtelain aussi? Mais on l'a vu déjà. Ouais, on l'a vu. Tu voulais. Si vous l'avez écouté. Moi, je l'ai vu à la Star. Paris Latino. Paris Latino. L'âge tu avais, t'as T'avais 8 ans. Bah, c'est en même temps, c'était l'âge où tu kiffais. Hein. Eh, j'avais 10 ans. Ouais, j'avais 10 ans. J'avais 10 ans de moins. Hein, Marlou. Bon, on va écouter donc ce morceau, cette collaboration entre vous. Le morceau s'appelle Bonbon maintenant. Ouais. C'est parti. C'est parti. Allez. @MZGroup sur Twitter, MZ officiel sur Facebook. Tu sais que je suis. Tu sais que je suis. Tu sais que je suis. Mes potes m'appellent Big Daddy Jock, elle m'appelle Arlequin. Je glisse sur sa langue, je mets du sucre, instant coquin. Elle ne veut pas le dire, mais je suis sur mon temps à chaque chagrin. Bonbon sur bonbon, elle ne veut jamais être à jeun. Elle me cache à ses frangins, ne me partage pas avec ses copines. Parle de moi parfois à quelques copains, mais pas trop pour garder de la saline. Toutes les bonnes choses ont une fin, bonbon n'a plus de goût, elle me laisse tomber. Elle s'en mettra d'autres sous les papilles, de quoi bien pomper. Enlève l'emballage et avale tendrement ce bonbon. Non, tu n'es pas si sage, tant mieux car je suis un mauvais garçon. Ne me fais pas de mal, je t'en prie, ne mets pas les dents. Ne mets pas les dents, je t'en prie, ne mets pas les dents. Tu sais que je suis, tu sais que je suis, tu sais que je suis, tu sais que je suis, tu sais que je suis, tu sais que je suis. Une lollipop, espérant que t'as la bouche propre. Je vais te voir lécher le bonbon, mais je veux pas que tu croques. Si t'as un gros big up à Mamadou et Sofia. Ils sont cette drogue, je sais que tu deviens folle. T'inquiète ma biche, c'est moi qui vais gérer. Je sais que tu pourras pas t'en passer. J'ai le goût de ton bonbon préféré. Et je pense aux trucs de fou qu'on pourrait faire. Je te jure que personne pourra te faire taire. Enlève l'emballage et avale tendrement ce bonbon. Non, tu n'es pas si sage, tant mieux car je suis un mauvais garçon. Ne me fais pas de mal, je t'en prie, ne mets pas les dents. Ne mets pas les dents, je t'en prie, ne mets pas le sang. Tu sais que je suis. Tu sais que je suis. Ouais, je peux caber ça, dis quoi. Hein. Tu sais que je suis. Check. Hein. On s'envoie en l'air, mon atterrit pas. Ma sucrerie ne se périme pas. Goûte-la, ne la devine pas. Et si tu n'aimes pas, je te mérite pas. Hein. Je laisse ta tronc faire le premier pas. Je serai ton dernier rempart. Une de plus, tu seras pour ma part. Hein. Et je sais que tes copines t'envient. Je m'en fous de ton avis. C'est puissant pas faire la va-vie. Donc tu peux remercier si. C'est pas mon genre d'être trash, mais à ce qui paraît t'aimes quand je suis charmé. C'est comme ça qu'on arrive à vous charmer. Vous brancher puis vous défrancher. Elle aime que je lui mitonne. Lui rend une sincère illusion. En retour des soi-disant sentiments censés qu'elle me donne. Où j'en fais pas mal mais jamais détonne. Contre la maladie d'amour en ce siècle. Ces gâteries demeurent comme seul antidote. Elle me dit que je suis beau et que je sais parler. C'est ma princesse quand mon berlingot fait la poutre sous son palais. Téléphone de monsieur sonne, mamzelle dit de pas y aller. Accro à ce bonbon moment, elle ne veut plus me laisser prendre l'air. Enlève l'emballage et avale tendrement ce bonbon. Non, tu n'es pas si sage, tant mieux car je suis un mauvais garçon. Ne me fais pas de mal, je t'en prie, ne mets pas les dents. Ne mets pas les dents, je t'en prie, ne mets pas les dents. Tu sais que je suis. Tu sais que je suis. Tu sais que je suis. Facebook, MZ officiel, Twitter, MZ Group, Instagram, MZ Group. Moi je suis ma team. Une petite douceur ce morceau. Ouais, tu connais. Une petite sucrerie. Bon, une petite sucrerie ce morceau. Hein, ça glisse. Truc à se foutre sur la papille, tu vois. Ça glisse. Ouais. Celui-ci, donc bonbon qui est produit par. Ne mets pas les dents. Jérémy Châtelain. Ne mets pas les dents surtout. Voilà. Par vous deux qui êtes là ce soir dans l'émission. Entre 20. Ça va, content du taf qu'on le réécoute comme ça bien. Ouais, on est content, on est fiers du taf des gars. Et puis je pense qu'on a amené une couleur supplémentaire à leur projet, donc on est fiers de ça. Parce que comme on disait tout à l'heure, ils ont déjà un beatmaker qui est super talentueux dans son domaine. Puis plutôt que de refaire exactement ce qu'ils ont déjà, on a voulu les amener sur quelque chose de nouveau en fait. Et expérimenter. Bah écoute, peut-être le début aussi d'une longue aventure à suivre avec. D'ailleurs, comme on est vendredi et qu'on parle d'avenir, l'album de MZ, vous le voyez quand vous? Moi je le vois quand? Je le vois après le volume 3 qui est toujours dans les bacs. Mmh. qu'on peut télécharger légalement évidemment. Ouais, légalement. Et illégalement comme l'a dit Zo hier. Hein. Ah, il m'a fait une petite leçon en même temps, tu vois. Ça sert à ça aussi. Bon, c'est mieux légalement. Ouais, c'est mieux, c'est toujours mieux. Mais bon, comme on a dit, nous. Il n'y a pas de date de prévu. On est là depuis très longtemps, tu vois. Et voilà, on a été soutenu par un public qui est pas forcément, il y en a qui ont pas forcément les moyens, tu vois, de se l'offrir. Donc s'ils ont un autre moyen de le prendre, bah, n'hésitez pas frère, ça se trouve. Écoutez, c'est du son, c'est de la musique, ça se trouve l'album il est déjà prêt. Ah, c'est peut-être qu'il est déjà prêt. Ah, il est déjà prêt l'album, peut-être. Ah, ça se trouve, hein. Peut-être, on sait pas. Après ça dépend de nos supporters, de nous booster, on le sortira. Moi j'ai quelques bastos dans l'ordinateur. Hein, on va passer. Ils vont vite les mecs, en plus savez, en 30 minutes ils vous font un son, ils commencent à bosser rapidement. Hein. Ouais non. Ah, j'ai même des titres avec la voix de Joker. Non. Ouais, il y a déjà des voix qui sont posées déjà. Ouais, attention. N'en dis pas plus. Ok, donc à suivre durant cette année 2014. Ouais. Une question aussi à poser maintenant pour repartir avec le dernier album dédicacé de la MZ. Combien y a-t-il de featuring sur le projet MZ Music Volume 3? Mmh. Et avec qui? On a 7, mais... je pense. Mmh. On a 13. Sur tous les sons, il y a des features. Il y a qui? Barry White, Michael Jackson. Ouais, c'est vrai. Pete Madonna. Kurt Cobain et les autres. Ouais, Beyoncé, tout ça. Ils sont tous là. Amy Winehouse. Combien de featuring sur le projet MZ Music Volume 3? Et lesquels? Vous les balancez au 41759 avec le hashtag MZ sur Skyrock. Allez-y, 41759. Moi, je vais commencer à compter là. Ah, faut compter les gars. 41759 ou le hashtag MZ sur Skyrock. On va revenir dans un instant. Il y a un medley aussi qui est prévu, c'est ça? J'ai bien compris. Un medley, tu fais une famille? C'est ça? Ouais. Un petit mix qui arrive dans un instant. Des extraits. Et quel est le morceau qu'on doit passer dans un instant? Parce que nous, on nous a proposé Enfermé dehors. Ça, c'est les internautes, ceux qui sont sur les pages et les réseaux sociaux de Skyrock, qui ont dit qu'il faut absolument repasser le Enfermé dehors. Ben, on passe le. Toi, tu l'as kiffé celui-là? Ah, moi, j'adore celui-ci. Ben voilà. Mais pour toi, alors? Pour toi et les internautes? C'est un de mes préférés. Et ben, ne bougez pas dans un instant sur Skyrock, le mix signé Soufiane, c'est ça? C'est... Soufiane 3000, tous les deux ou... Ok, avec Jérémy aussi qui est là avec nous. Bougez pas dans un instant, on revient avec le projet MZ Music Volume 3. Enfermé d'or, la MZ, extrait d'MZ Music Volume 3, c'est ce qu'on écoute maintenant sur Skyrock. @MZ Group sur Twitter. MZ sur Skyrock. Yeah. Plus rien ne peut m'intimider. Dehors, j'ai perdu mon intimité. La drogue et l'alcool m'aident à méditer. Faut-il que je m'en tire une dans le crâne pour qu'à leurs yeux je puisse exister? Plus rien ne peut m'intimider. Dehors j'ai perdu mon intimité. La drogue et l'alcool m'aident à méditer. Faut-il que je m'en tire une dans le crâne pour qu'à leurs yeux je puisse exister? Enfermé dehors, jugé coupable à tort. Le temps que je m'évade ouvre la porte. À mon retour je te couvre d'or. Je suis enfermé dehors, jugé coupable à tort. Le temps que je m'évade ouvre la porte. À mon retour je te couvre d'or. Je suis enfermé dehors. Enfermé dehors. Enfermé dehors. Enfermé dehors. Je suis enfermé dehors. Dans les coins les plus hors tort. Le temps que je m'évade ouvre la porte. Regarde mon corps en pleurs encore. Yeah. Moi le temps d'une chanson, je veux juste rentrer à la maison. Je me suis enfermé dehors. J'aimerais voir d'autres horizons. J'ai vu passer toutes les saisons. Je me suis enfermé le long. S'il te plaît, laisse-moi rentrer. Je te jure, je suis fatigué. Dehors, c'est chaud, mais je suis frais, frais. Hiver comme été. S'il te plaît, laisse-moi rentrer. Je te jure, je suis fatigué. Dehors, c'est chaud, mais je suis frais, frais. Hiver comme été. Dans l'estomac, shit dans le calva, loin de la mama. J'écoute ma paranoïa, donc ma confiance elle est à haut dans le coma. Pour le moment, faut de la monnaie. Les minimums témoignent la rage dans les mollets. Genre le soir enfermé dans le 2-6. Chicha de la guerre pour mes soldats. La rue c'est pas ma mère, c'est qu'une pute que j'utilise. Et pour la porte de sortie, j'suis un itinéraire indécis. Cette femelle veut de moi, mais rien que la justice me demande. J'ai le cœur en or pour ce que j'ai. Tony, t'as bien fait, tu manies. La rue c'est pas ce que tu crois. Ma sécu ne sera jamais aux mains d'une M.A. Que Dieu me préserve de prendre perpète. Joker honnête et moi j'aime pas les M.A. Maman faut me croire quand je dis que je suis désolé d'être tombé dans le panneau. Au lieu de shooter des gueules, j'aurais simplement de chanter le bras. Dédicace à Tony, Emma et Samuel. Je suis juste rentré à la maison, je me suis enfermé le haut. J'aimerais voir d'autres horizons, j'ai vu passer toutes les saisons. Je me suis enfermé le haut. S'il te plaît, laisse-moi rentrer. Sur Twitter, attention là ça va chauffer. MZ sans Skyrock. Amala. Ça c'est lourd. Le morceau s'appelle Enfermé dehors. Vous le retrouvez sur MZ Music Volume 3. Ouais. On peut précommander, même pas précommander, on peut commander et avoir tous les sons tout de suite maintenant. Il suffit de cliquer. Attends, je suis très dédicacé et tout. Alors, mets bien sur casque, s'il te plaît, merci. Excuse-moi, les petits chevalerets qui sont venus là. Il y a Cédric, il y a Yann, il y a Dylan, il y a Kadi, il y a Mamé, il y a tout le monde. Des dédicaces à ceux qui sont restés. Matida, Dado. Matida, t'es là aussi. Hein. Si. Tout le monde est là. Il y a du monde pour soutenir la MZ, justement. Ouais, bah voilà, le quartier c'est Chevaleret, c'est chez vous, c'est dans le 13e arrondissement de Paris. Tu m'en donnes deux. Et tout le monde, hein, tout le monde. Et dans un instant, à écouter donc un mix réalisé par Soufiane 3000, par Jérémy Châtelain qui est là avec nous ce soir aussi. Vous n'avez pas écouté le mix encore? Non, on l'a pas écouté, c'est une surprise. Petite surprise. Une petite surprise. Dans un instant, ne bougez pas. Et juste avant, par téléphone, on est avec Yanis de Sartrouville. Salut Yanis. Ça va quoi? Ça va et toi? Ouais, tranquillement. En pleine forme? Ouais, tranquillement. Ben, je te présente la MZ. Salut, ça va quoi les gars? Salut, ça va et toi, Yanis? Ouais, tranquillement. Propre le projet, les gars, propre. Merci. Yanis, est-ce que tu es prêt à nous faire un freestyle par téléphone? Ouais, je suis prêt. Et ben, on y va, c'est parti. Ok, 1, F2L, NTL, en ligne, Rictus. Ok, 1, check, F2L, 1, Sartrouville, boy. Ok, brah, 1, check, ok. Ok, de 2014, je fais de avant. Tu voulais ma vie, tu me fais des avances. Tu voulais un fils, j'étais un 4 direct. Je fais des peu à été, un tas de blanches. Funeste, ambiance, phénom, Batman. Tu crois que tu me baisses, négro, grappa. Nique ton père et ta génitrice. Je t'encule ta mère, si tu pars mal. Pro, ça n'est pas ma vie. Je vais tous les rappeurs de ta ville. Vouloir me détrôner, faux pas que tu songes. On te tient à tête, tu rafales dans vide. Vite, abracadabra, meurs, je te leur donne. Des minutes, putain de phrases, et à ce que je leur donne. Parle bien, faut que t'assumes par derrière. Qu'illumine à qui je suis, faut que le nouvel heure. Je baisse la vie, je fais pas ça pour l'argent. Pas nécessité et que cette vitesse de flow. Jamais surveillé, négro, je n'ai pas d'argent. Viens dans mon checker, roule la beuf, ou la flow. Atterris, qui est péril. Ma seule défense, c'est la tac. Vodka absolue, potion d'astérix. En 3, verté à 4 pattes. Fais ta place sur trône, redescends. Rail de coke en juin ou décembre. Si c'est pas encore le cas, faut que tu décèdes. Je roule des drogues, 3 engins avec des cendres. Brrrr, bip. Ok, à l'instant, freestyle, monsieur Yanis de Sartrouville. Merci à toi, Yanis. Merci, c'est gentil. Et ben, on pour les dédicaces. Merci, on t'écoute aussi pour te retrouver sur le net. Vas-y, balance. Ouais, mon Twitter, c'est YannisF2L. Mmh. Je viens de sortir un projet là, Rictus, là, le 27 mars. Il est disponible en téléchargement gratuit. Il est sur mon Twitter, dans la bio, il y est. Ouais. J'ai sorti un gros morceau Brinks et NTS qui sont en ligne, les deux morceaux. Et voilà, il y a un gros morceau qui va sortir peut-être ce week-end qui va s'appeler Money Weed en featuring avec Burkadabra. Il est très, très, très, très, très, très lourd le son. Donc, il faudra que tous les gens soient connectés et tout. Et ben, on va aller guetter ça, Yanis. Et puis, petite dédicace. Bah ouais, vas-y. Dédicace aux frères de l'ombre Amir, aux frérots Tom, aux frérots Samir et David, Dexter 12, Ryan, Brian, Amin, Mehdi, Wail, Alma, Kamel Caramel, Oshisha, le Montecito, Narguiland, El Panamera, DJ Prat et CF2L, ça vient de se retrouver. On vous entend les gars, c'est la cabine ou pas? C'est rap de cabine à l'instant. Merci à toi Yanis. Y'a pas de soucis, ciao. Ciao, passe une bonne soirée. On va écouter donc maintenant, vous allez découvrir aussi le mix réalisé par Sofiane 3000 qui est là avec Jérémy Châtelain. Il y a quoi alors, c'est l'inspiration, parlez-nous de cette inspiration pour ce mix, c'est quoi? On a fait un petit mix en fait, les influences en fait, principales, les morceaux qui ont influencé Bonbon. Et puis pour faire découvrir des morceaux et puis Ah c'est bien ça en fait, donc c'est un mix avec tout ce que vous avez écouté quand vous avez fait la prod de Bonbon et en quand... fait toutes les références entre guillemets. Et puis c'est aussi une manière de dire à tous les producteurs que pour faire de la bonne musique il faut avoir une grande curiosité et si t'écoutes la même musique que ton voisin tu feras la musique que lui, donc Il y a du bon partout. Voilà, il y a du bon partout et tous les chemins mènent à Bonbon. Voilà. Et ben on écoute donc ça, c'est ouvert, ils sont on ouverts. A passé tout à l'heure le morceau qui s'appelle Bonbon. Et vous allez voir maintenant donc avec Soufiane, avec Jérémy qui ont produit le morceau, leur référence pour créer la musique de ce morceau. Ça, c'est une bonne idée. On le balance maintenant. Ça c'est lourd ça. Wesh Dreams, bon petit. Etienne Dao va sur Skyrock. Le retour. Cigarettes on cigarettes, my mama think I stink. I got burn holes in my hoodies, all my homies think it stink. I miss my cocoa butter kisses. I miss my cocoa butter kisses. Cigarettes on cigarettes, my mama think I stink. I got burn holes in my hoodies, all my homies think it stink. I miss my cocoa butter kisses. I miss my cocoa butter kisses. Hands on the wheel, I don't fuck that. Hands on the wheel. Big up ASAP Rocky, un des meilleurs producteurs un des meilleurs rappeurs de notre génération. Big up, yeah. Big up ASAP, Sofiane 3000. I'm back in this motherfucking bitch once again. It's a pretty motherfucker with a 40 ounce of brew. My nigga Q when we younger than a bitch. We getting millies, motherfucker, yeah, on nigga weed and brew. It's unbelievable, got a freak or two in my vehicle, got the purple drink, got the yellow drink. Yeah, we mix it up, call it Pikachu. With a little bit of crack, little bit of dope, little bit of smoke, little coke, little weed when they on them. Little bit of E, little bit of shrooms, little bit of dudes with a dude, hands on them. And I keep the illest, trillest bitches while I'm swaggin' it. Crush it, bitch. That's my pursuit of happiness. I can't hide like tonight will never end. Let's party again. Let's party again. It's fantastic. They just brush my hair and touch me everywhere. I don't say shit and they be getting naked. I don't say shit and they be getting naked. I don't say shit and they be Sophia getting naked. Ça te dit quelque chose ou pas? Tu sais que je suis. Tu sais que je suis. Tu sais que je suis. Tu sais que je suis. Mes potes m'appellent Big Daddy Jock. Elle m'appelle Arlequin. J'glisse sur sa langue, j'mets du sucre, instant coquin. Elle ne veut pas le dire, mais je sors mon temps à chaque chagrin. Bonbon sur bonbon, elle ne veut jamais être à jeun. Elle me cache à ses frangins, ne me partage pas avec ses copines. Parle de moi parfois à quelques copains, mais pas trop pour garder de la salive. Toutes les bonnes choses ont une fin, bonbon n'a plus de goût, elle me laisse tomber. Elle s'en mettra d'eau, tous les papis, de quoi bien pomper. Enlève l'emballage et avale tendrement ce bonbon. Non, tu n'es pas si sage. Tant mieux car je suis un mauvais garçon. Ne fais pas de mal, je t'en prie. Facebook, MZ officiel, Twitter, MZ Group, Instagram, MZ Group. Ne mets pas les dents. Tu sais que je suis. Tu sais que je suis. Tu sais que je suis. Tu sais que je suis. Une lollipop, espérons que t'as la bouche propre. Je veux te voir lécher le bonbon, mais je veux pas que tu croques. Si t'en as pas, disant que t'as pas de bol. Ils sont cette drogue, je sais que tu deviens folle. T'inquiète ma biche, c'est moi qui vais gérer. Je sais que tu pourras pas t'en passer. J'ai le goût de ton bonbon préféré. Et je pense aux trucs de fou qu'on pourrait faire. Je te jure que personne pourra te faire taire. Enlève l'emballage et avale tendrement ce bonbon. Non, tu n'es pas si sage. Tant mieux car je suis un mauvais garçon. Ne fais pas de mal, je t'en prie. Ne mets pas les dents. Ne mets pas les dents. Je t'en prie, ne mets pas du sang. Tu sais que je suis. Tu sais que je suis. Tu sais que je suis. Wesh ma famille Ndiaye, ma famille Koulibaly, ma famille Sanya, on est là ou quoi? On se voit, on l'est à mon atterrit pas. Ma sucrerie ne se périme pas. Goûte là, ne la devine pas. Et si tu n'aimes pas, je te mérite pas. Je laisse Armstrong faire le premier pas. Je serai ton dernier rempart. Une de plus, tu seras pour ma part. Et je sais que tes copines ah m'en foutent ton avis. C'est puissant par faire la vie. Donc tu peux remercier si. C'est pas mon genre des trash, mais à ce qui paraît t'aimes quand je suis chamé. C'est comme ça qu'on arrive à vous charmer. Vous brancher puis vous défendre. Wesh JC 420, Mathieu, wesh Rorty, wesh Brian, Théo, vous êtes où? Wesh Combi, je suis comment? J'en fais pas mal mais jamais détonne. Contre la maladie d'amour en ce siècle. Ces gâteries demeurent comme seul antidote. Elle me dit que je suis beau et que je sais parler. C'est ma princesse quand mon berlingot fait la poutre sous son palais. Téléphone de monsieur sonne, mamzelle dit de pas y aller. Accro à ce bonbon moment, elle ne veut plus me laisser prendre l'air. Enlève l'emballage et avale tendrement ce bonbon. Non, tu n'es pas si sage, tant mieux car je suis un mauvais garçon. Ne fais pas de mal, je t'en prie, ne mets pas les dents. Ne mets pas les dents, je t'en prie, ne mets pas les dents. Tu sais que je suis. Ahmed Diaby. Tu sais que je suis. La dictature. Tu sais que je suis. Hey yo. King Alec. C'est pour Douk Douk. Ah, c'était bon de réécouter d'ailleurs le morceau avec les influences juste avant et d'écouter le morceau bonbon là à l'instant. Bravo, bon taf. Merci. Signé Sofiane 3000 qui est là avec nous, avec Jérémy Châtelain. Merci, puis ouais, voilà, c'était pour montrer ouais. que. Et pour, ah, donc pour faire des dédicaces sont bonnes. Voilà, non, c'est mais... parfois les meilleurs qui que deux secondes, deux les secondes, gens ont peur d'écouter en fait. Sauf les dédicaces, on a Skyrock, des dédicaces. C'est vrai que c'est le moment de passer quelques dédicaces, donc c'est bon, le moment jamais. Va, hein, c'est les rituels. Hein. Ah, vas-y, fais les dédicaces. Dédicaces à Kamel, Rafton, Amine, La Mouche. La Mouche. Bilal, Jason, Foued. Naruto, je connais pas Naruto. Alors moi je veux faire 2-3 petites dédicaces. Vas-y. À Roselyne Bachelot, Laurence Ferrari, Absatouti, toutes c'est mes ça. Copines du Grand 8. Du Grand 8, balance ta promo, vas-y, balance ta voilà. promo. Des 8 tous les mercredis à 11h30 pour tous les jeunes qui veulent en apprendre un peu plus, pour toutes les meufs, Laurence Ferrari et surtout Roselyne Bachelot, gros bisous Roselyne. Voilà, j'en ai d'autres mais ils passent pas la télé, ceux-là, Andy, Foued Moussa, Métine. C'est un autre, c'est frangin. Désolé à tous que j'ai oublié, Thomas, Beaumar et compagnie. Voilà. Eh ben merci. Et puis pour reparler du mix, ouais voilà, comme on disait, on a un peu brassé large. Parce qu'on sait. Bah on a entendu, il y avait du Assap Rocky, mais il y avait du Étienne Dao, enfin voilà, beaucoup de choses ouais, pour les influences. En fait, c'était surtout pour montrer que bon en fait la genèse du morceau, c'est que à la base on voulait faire un titre léger, mais quand on fait un titre léger, on n'est pas obligé de faire de la soupe en fait. Et voilà, on l'expliquait que. Et puis tu sais, aujourd'hui, quand même, le rap aux States, c'est vachement popifié, quoi. Voilà, c'est. Ah bah ouais. C'est vachement popifié et c'est plutôt de bon goût tout ce qui est. Et d'ailleurs, même le titre de A$AP Rocky qu'on a passé, c'est un sample de Lana Del Rey. Exactement. Je crois que les gars aussi, ils ont fait un titre qui s'appelait Lady Gaga. C'était un sample de Lady Gaga ou. C'est Bad Romance. Le aussi, voilà. Le titre Bad Romance. Et puis c'est marrant qu'ils aient fait ça aussi en fait. Donc, Bah vous êtes en tout cas à MZO, c'est ouvert sur les sons, il n'y a pas de, ouais, de limite, vous voulez pas. Il n'y a pas de limite. On est no limit. Ouais, c'est ça. Rap, tout ce qu'il y a de nouveau, on essaye d'explorer un peu partout. En restant rap, artiste, tu vois. Et voilà, on essaie de donner des bons morceaux, tu vois. On te balance des morceaux comme bonbons et c'est pas du réglisse, t'as vu. Joli, tu l'avais de côté, celle-ci. Il est bon. Allez, c'est la boisson. Avant de se quitter, on met un autre morceau. Qu'est-ce ouais, non, franchement, tu sais, aujourd'hui, il y a Marcus qui est dans les locaux. Mmh. Il nous a fait. Marcus. Il est là, Marcus. Ah, bah, il est là. C'est aussi un producteur. Il peut se présenter. Ça va Marcus ? Tout le monde, ça va tranquillement. Bah écoute, bienvenue. Petite présentation, petit CV Express. Marcus Music, moi j'ai rencontré la MZ grâce à Zozo, Zoxy. Mmh. Donc, je le remercie grave. Donc grâce à lui, j'ai pu bosser sur l'album et produire une prod dessus. Voilà quoi. Sinon, t'as bossé avec qui ou tu bosses pas bah, en fait, c'est grâce à Zoxy, c'est la première fois. Ah, c'est la première fois ? Ouais, c'est la Putain, première c'est trop fois lourd. Que je me retrouve ici et tout ça. Donc ça fait super plaisir. Bah bienvenue Marcus, alors. Merci beaucoup. C'est possible de mettre deux sons ? Allez, alors on y va vite, ouais. on les enchaîne. Ouais. C'est Marcus qui a fait la prod de Stevie Wonder, qui est sur MZ Music Volume 3. Il a bossé ça avec Zoxy, ils l'ont fait à deux. Et il y a en bas de chez nous, Zaina, qui est du collectif Davidson Présente. Et bon, mais les deux morceaux. La prod d'Equinox, les deux d'affilée, c'est lourd. Allez, on finit avec ces deux morceaux, la MZ maintenant sur Skyrock. Suis-je un agent d'avocat qui fait poids? Ouais, Soukapé, dis-moi, ça dit quoi? C'est quoi ton programme ce soir, Soukapé? Je représente tous mes félés, s'il y a des plans, faut m'affairer. Pour du Gucci, Fendi, Ferré, ces petits clochards font les ailés. Je suis un genre de foire et j'ai vu trop depuis défiler. J'ai vu trop de potes déférés qui veut test, baisse à fourrer. Dans ma tête est serrée, sur eux, je suis mort dans la série. Arrêtez votre ciné, ça va pas passer comme ma Kelele. Le terrain est miné, les bleus s'en sont mêlés. Ça sonne pour le Zroy où personne va tirer. Tes pseudo rappeurs, c'est des p'tits. Dois-je me répéter? Qui nous a sur le dos veut se faire baiser. Photo t'es comme ta meuf, vert t'es grave pété. J'entrerai partout, j'ai la pété. Flow propreté. Pour les mecs de test, les mecs des terres du 13 qui détestent pas les têtes, t'as peut-être pas besoin de jack. Je sais que c'est la haine, mais ferme tes fesses, des stress. Faites nous arrête de rester pointé là. Entre la polygamie et la polyramie. Entre le faux de ses amis et le port du rami. T'aimes trop les filles facile pour toute ta vie de famille. On espère pour toi le paradis. Suis-je un jeune genre d'avocat qui fait foi? On avance que de la peur frappe à chaque pas. Besoin de personne, donc on se mélange pas. Une mixtape et tout ton quartier là. Wesh, c'est la MZ pour tout. Wesh, on n'est pas venu pour wesh. Ouais, je me bouge petit du 24. Fraîche, négo, c'est clair, Joker, ok, on est quoi de neuf, gosse négro. J'ai déjà pas le temps pour les enfantillages. Attache ton tissage, te prends en doggy style. Ce soir ça va être tard, je vais faire couler ton maquillage. Elle me grippe le visage, ma grippe comme un grillage. En elle, je vois la dite d'une sage femme et d'une fissage. Et pour pas faire gaspillage, Joker tout le monde en flag dans le rap. On est l'équivalent de la triade. Cesse de faire le têtu, je sais que mes textes tu. Je fais pleurer ton tonton. Car j'ai baisé ta tata tout au long de cet été. En t'étant ses points tu t'étonnes. T'es 4-0-0 comme la tête à Toto. T'as rien dans la tête. Si tu veux t'entêter, si t'es ça tu veux tenter, je suis posé sur la rue pâtée. Jesse prépare mon seize-up. Hose down, jeez-up. Voilà mon cul, ma tête est fucked up. Désolé les rêves, mais j'aime pas pour les beat-up. Tellement les rappeurs s'ils confondent le beat et nos grosses tubs. On les entasse à l'arrière du pick-up. Mais mes plus dogs, on va en faire des pin-up. Suis-je un dog, j'en vois aucun qui fait poids. On avance que de la peu fera à chaque pas. MZ Music volume 2, volume 3 dans les bacs. Rap on peut, rap on bien. J'aime pas voir des putains me faire de la pub, hein. Va toucher à mon calumet entre tes chicots. J'aperçois coincé des poils plus bien. Repeuplons cet art urbain. Des vrais mecs comme moi, pas de l'arbre, hein. J'ai pas craché mon dévolu dans ce game. En me masturbant, j'en ai perturbé plus d'un. Je les connais, tes gars de la street. Ils sont pas méchants pour qu'à gratter des sticks. Ridicule à sec, paye à Louis V, Fendi. En disant merci aux acédiques. Quand ils prennent le mic, parle laisse Bibi. Mon détecteur de mythos fait bip. Ils ouvrent leur bouche que pour sucer des b. Pile à l'heure comme d'avant ma pause pipi. Le monde est stone, disaient les psychiatres. Mes yeux voient que mon époque en arrive à l'au-delà. On parle de turfu, passé quand à présent. Je crains de ne pas assez craindre l'au-delà. Quand certains ont les yeux plus gros que le ventre et que ce fut leur pire peine. Pas je crains d'avoir des ambitions. Trop balèze pour mon maudit Big Ben. Suis-je aveugle, j'en vois aucun qui fait quoi. On avance que de la peu fera à chaque pas. Personne, donc on se mélange pas. On se mélange pas, ma gueule. Tout ton quartier plat. Facebook, MZ officiel, Twitter, MZ Group, Instagram, MZ Group. Moi, Team MZ, vous êtes là ou quoi? MZ sur Skyrock. On envoie la fraîche. Wesh, wesh, wesh, wesh, wesh. Jusqu'à 21h, c'est Planète Rap, l'émission rap de référence. En premier sur Skyrock. Ce soir, Planète Rap spécial MZ. En bas de chez nous, featuring Zaina. Quoi de neuf, Zaina? Ça se passe Londres? Il y a des choses qu'elle peut pas dire. Wesh Léon. Les maquilles veulent nous mettre au trou comme au golf. Je suis dans le hall, je suis sous Google. Dans mon ghetto, dans une touche. Je fonce vers la tôle ou bien la selle. Mettez la gaule, ouvre-moi ta gueule. J'aime les croquis et les croissants. J'ai les graisses, les beurrettes et les blanches. Ce game est aussi vrai qu'une dent de trans. Je veux même pas rentrer dans leur danse. Je traîne où j'habite, je peux te dire que je suis où je mange. Dans ma rue, j'ai vu le diable avec une tête d'ange. Oh non, maman, qu'il y a des choses que je peux pas dire. La vérité me force à te mentir. On voit ça va de pire en pire. Comment dire, on a investi sur nous grâce à la dope. Nous c'est la MZ, nous compare pas aux autres. Yeah. Il y a des choses que je peux pas dire. La vérité me force à te mentir. Yeah, la vie pour le meilleur et le pire. Quand je dois partir, wesh, ne regarde pas en bas, okay. Ne regarde pas en bas, okay. Je veux que tu sois fier de moi, okay. Ne regarde pas en bas. Il y a des choses que je peux pas dire. La vérité force à mentir. Y'a de ces places que je peux pas dire, que seuls les poucas peuvent contredire. Y'a cette oseille qu'il pourrait ouvrir, mais y'a que les morts qui peuvent pas mentir. Y'a un follow et moi, quand c'est la paix, quand vient la guerre, tes couilles ne veulent pas follow pack. Tu fais le nerveux, tu ne vaux pas grand chose, comme la droite d'un gaucher ou ton père et ses blagues. Vos redouter tes skiffs le boîte, boubou, la transac se fait mieux avec une pâle, boubou. Ça skiffe de la white dans les quartiers de bobo, dans le ghetto, ça se lâche pas, pas de bobo. Hier, pourquoi vos soi-disant sauveurs ignorent la Corée du Nord? Pourquoi le continent le plus pauvre est celui qui contient le plus d'or? Quand l'homme pose des questions, ça pose toujours des problèmes. Quand l'homme s'auto-questionne, ça pousse toujours au progrès. Hey gringo, c'est même pas le minimum de distance dans ma tête, mais qui contrôle la preuve? Y'a des blagues que je peux pas dire, dire. Hey Sarah, tu sens tout dîner, ça va ou quoi? La vérité me force à te mentir. MZ officiel sur Facebook, MZ Group sur Twitter, MZ Group sur Instagram. Je sais que tu souffres quand je dois partir, maman, ne regarde pas en bas. On vous attend. Okay. Ne regarde pas en bas, je veux que tu sois fier de moi. Donc ne regarde pas en bas. Zaina au studio à Londres, que je peux pas dire. La vérité me force à te mentir. La vérité me force à mentir. Comme tous ces hommes politiques, des conflits montés nous prennent pour des cons. Wesh, mon continent fait ralentir, mais où va l'argent? Tu dis, wesh, Maxime Parano, tu sais comment? Je suis seul à trouver qu'il y a un pic. Il y a des choses qu'ils peuvent pas nous dire. Je comprends pas pourquoi les mêmes ils arrivent avec la fille. Bref, élevé par la daronne, grosse absence du daron. Je veux qu'elle soit fière de moi, donc j'évite d'aller derrière le barreau. Il y a des choses que je peux pas vous dire. Comme comment je fais pour avoir ma paire de nailles. Comme tout le monde dans un sale état de mon deux poutres, y'a qu'on se dit sur Paname. Y'a le fossoyeur dans les locaux. Wesh, chef, wesh, Vido. Ouais, ou dit du 19, ça va ou quoi? J'en vois pas d'autres à part Zaina et Mallory. MZ officiel sur Facebook, MZ Group sur Twitter et sur Instagram. On vous attend. HPPP. C'est la MZ sur Skyrock avec ces morceaux qu'on retrouve sur MZ Music volume 3. Ouais, c'est là depuis le 10 mars. Merci à vous pour cette semaine en tout cas, messieurs. Merci à toi. Merci. Merci. Et à nos supporters aussi qui sont tous les jours venus. T'as bien vu que c'était le feu. C'était le feu tous les soirs de la semaine. Merci à Davidson qui était là tous les soirs, à Zoxy, à Melophilo qui était là. Ce soir, on remercie les producteurs. Il y avait Equinox, il y avait Sofiane 3000, Jérémy Châtelain, Marcus était là aussi. Et puis tous les autres. Il y a des bisiques. Je vous laisse le mot de la fin si vous voulez ajouter quelque chose. Attention, il y a le clip qui arrive aussi dans quelques minutes. Voilà. Ouais, on parle de ça. Ouais, il y a le clip là, qui sort à 21h10. C'est. Tiens, Davidson, il va parler. On invite tout le monde, tous les auditeurs qui aiment ou qui n'aiment pas la MZ, on s'en fout, à nous rejoindre sur MZ officiel à 21h10 précise. Nouveau clip, son inédit, réalisé par 80 Workshop. Ça va être du lourd, c'est un nouveau son, c'est une nouvelle drogue. Et bah, loupez pas. C'est Benny Bla. Merci. Et juste, tiens, juste avant de se dire au revoir, on fait tourner rapidement la roulette avant de retrouver aussi l'équipe de la Radio Libre de Difool. C'est parti. Skyrock t'offre ta nouvelle tablette et ton DVD Hunger Games. Salut Elodie Daubevoix. Ça va bien, Elodie? Oui, salut Fred. Salut, bienvenue dans le Planète Rap de la MZ. Tu es prête à faire tourner la roulette? On y va? Ouais, super. Allez, je la lance. Dès que tu veux, tu dis stop. C'est parti. Ok, ça marche. Ah bah, t'es en équipe, Elodie. Ouais, je suis avec ma maman et mon frère. Ah bah, bisous à toute la famille. Et Elodie, le DVD Hunger Games, l'embrasement qui arrive rapidement à la maison, c'est pour toi, Elodie. Ok, c'est cool. Petite séance ciné à la maison, je te fais plein de bisous et tu salues tout le monde avec toi. Ouais, gros bisous à tout le monde, gros bisous. Merci à vous, la MZ, pour cette semaine. MZ Music. Un dernier mot, il y a MZ Music Volume 3 dans toutes les Fnac. Faut que les auditeurs qui ont écouté c'est le Planet Rap toute cette semaine qu'ils aillent l'acheter pour ceux qui l'ont pas. Puisque c'est la première fois qu'on vient sur une radio nationale. MZ de Musique Volume 2. Pour qui est moi, il y a. Qui est dispo aussi dans, en téléchargement gratuit. Le meilleur, c'est que ce soit gratuit. Et le nouveau clip de La Wax, de La inédit, Wax, qui est hors mixtape, qui va sortir là ce dans soir. 10 minutes, c'est ça, non? Ouais, 21h10. Et Iceberg Volume 1 en téléchargement. Chiche, gratuit. Le binôme. Voilà. Et ouais. Merci à tous nos supporters de toute la France. J'espère qu'ils viendront nombreux à nos, merci à toi, à nos Fred. Futurs déplacements. Merci à Momo aussi. Momo qui était top à la réalisation comme d'habitude, ou presque. On se retrouve la semaine prochaine, en tout cas pour une nouvelle semaine de Planet Rap. Merci à vous, MZ. Allez vous procurer les MZ Minisimi Volume 3. Ouais, ok. Quel beau final. Attendez, est-ce que tu peux le redire, s'il te plaît? MZ Minisimi Volume 3. À pas louper, c'est dans les bacs ou en téléchargement légal. Merci à vous. Et là, il est donc grand temps de retrouver D-Fool. D'aller prendre un petit peu de force et revenir juste après avec du son de la MZ d'ailleurs ce soir. Oui, Fred. On a un cadeau. Okay, là, tiens, Romano a un truc à te dire, Fredo. Je rejoins le club. Ouais. Romano, on a des cadeaux pour vous là. Ah, bah, faut venir alors. Évidemment. Mais nous, Marie. Décidé, là. Je suis là. On vous offre Marie en échange. C'est un troc. Marie se cache, elle a peur, Marie. Donc je vous envoie la MZ. Ouais, la MZ, okay, très bien. On va vous montrer le chemin. Il y a une question qu'on se pose, c'est comment vous avez fait pour faire rentrer. Il y avait 100 personnes l'autre jour, on les a comptées. Hein, 100 personnes dans le studio. Ouais, comment vous avez fait pour faire rentrer les 100? On se demande. Bah, ça s'agrippait un peu partout. Un peu partout, il y avait sur les tables, il y avait partout. Et 21h10 hein, sur YouTube. Hein. Ah, donc, le clip. Ouais, le nouveau clip là. Et nous, 21h, bah, même pas. Bah, là, on est là, tout de suite, c'est parti, la radio libre. Allez, le coup d'envoi, on y va jusqu'à minuit. Bonne soirée, merci la MZ pour cette semaine. Fred, on te retrouve à minuit tout à l'heure pour Planet Rap. Yes. Voilà, avec du son de la MZ et Dino's Punchline Ovi qui viendra pendant une heure. Tu nous avais dit ça. Voilà. Dino's sera... Punchline Ovi à découvrir. Simple à dire aussi. Volume 3. Je sais pas comment tu vas le dire tout à l'heure dans l'état dans lequel tu seras à minuit, Fred. Non. C'est ça. Je vous conseille. Je suis en cure en ce moment. Ah, ouais, c'est. Oh, bien sûr, peut-être notre gueule. Non, mais je rêve. Un petit conseil, restez bien sur Skyrock, au moins pour ça, jusqu'à minuit, faut pas louper. Minuit, nocturne de Planet Rap, à pas louper. Semaine prochaine dans Planet Rap. Joule, le Marseillais qui démarre. Ah, ambiance Marseille, ambiance Marseille ce soir aussi, puisqu'on suit ambiance sudiste, on suit Montpellier OM. Montpellier OM. Tranquille. Ouais, pour l'instant, 0-0, 23 minutes de jeu, on vous tient au courant tout au long de la soirée. Évidemment, toute l'équipe est là, évidemment, vous tous aussi. Vous faites péter les réseaux sociaux, Facebooker, liker, Instagrammer. Cliquer. La totale, quoi. Skyrock.com, faites péter tout ça. Et puis, évidemment, sur le 41-759, les applis Skyrock et puis le 01-53-40-30. Bon, vous attendez maintenant, si vous voulez passer dans l'émission en direct, profitez bien. On démarre le week-end ensemble et puis on te retrouve tout à l'heure, Fred. À toutes. À tout à l'heure. Ciao. À tout à l'heure. Radio Libre, on arrive tout de suite.